Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. L'affaire est délicate et demeure encore aujourd'hui ténébreuse. D'autant qu'il y a en arrière-plan le deuxième plus grand génocide depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 800 000 Rwandais massacrés en seulement quelques semaines. Une affaire délicate parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de la responsabilité de la France dans cette catastrophe humanitaire. Que savait Paris ? Et même, quelle aide la France a-t-elle apporté aux génocidaires ? Une aide qui aurait pu se prolonger alors même que les premiers massacres avaient commencé. Et quel a été le rôle du sulfureux capitaine Baril, qui s'est toujours délibérément et ouvertement situé dans le camp Hutu, c'est-à-dire celui des tueurs. Agissait-il au nom de la France lorsqu'il signait de fructueux contrats avec l'État rwandais ? Était-il, oui ou non, missionné par nos services secrets ? Monsieur X essaie de répondre à toutes ces questions. Il m'a aussi avoué que la parution très récente d'un livre de Benoît Colomba, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, associé à son confrère David Servenet, lui avait été d'un grand secours pour démêler ce dossier complexe. La France, en dépit du fait que sa justice vient de condamner lourdement le capitaine Simbi Kangwa pour son implication dans le génocide, a une responsabilité certaine dans les événements tragiques de 1994 au Rwanda. Oh, oui, mais il y a quand même eu l'opération turquoise. Certes, mais vous le savez, puisque nous nous en sommes déjà entretenus, cette mission humanitaire destinée à venir au secours des populations rwandaises a été tardive. C'est seulement le 15 juin 1994 que le Conseil des ministres a pris la décision de lancer cette opération. Oui, alors que les plus grands massacres avaient déjà eu lieu. Et puis, on n'a pas pu s'empêcher de se demander si le principal objectif de Turquoise n'était pas de faire oublier les complaisances coupables de notre pays à l'égard des génocidaires, c'est-à-dire de l'armée régulière rwandaise et des milices Hutu. Oui, qui avaient été préalablement entraînées par des militaires français avant les massacres du printemps. Hein. On a aussi soupçonné, derrière Turquoise, une volonté de s'interposer entre les belligérants, c'est-à-dire en réalité de venir au secours de nos alliés de toujours, les Hutus, qui se trouvaient alors en difficulté. Pire, dans la montagne de Bisesero, près du lac Kivu, les officiers français ont sans doute failli en laissant se perpétrer un nouveau massacre de Tutsis. Il serait donc coupable, au minimum, de non-assistance à la population en danger. Enfin, n'y revenons pas, car c'est un sujet que nous avons déjà longuement évoqué, grâce en particulier au travail d'enquête effectué par votre collègue de France Culture, Laure de Vulpian. Ouais. Alors aujourd'hui, par où commencer ? Avant de voir plus précisément quel a été le rôle du franc-tireur, Paul Barry, le Rwanda. Franc-tireur, c'est-à-dire qu'il n'était pas officiellement missionné par une autorité française. Même s'il a toujours prétendu le contraire, sans vraiment convaincre d'ailleurs. Nous allons y revenir. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord voir comment la France s'est trouvée impliquée dans les affaires rwandaises. Mais surtout le Rwanda, ancienne colonie belge, il faut le rappeler. Hein. Et qui devient indépendante en juillet 1962. 3 mois plus tard, Paris et Kigali signent leur premier accord de coopération. Et quel est l'intérêt de la France alors? Il y a la volonté d'arrimer le petit Rwanda et le Burundi voisin à la communauté des pays africains francophones. Oui, alors que dans la région des Grands Lacs, les pays anglophones dominent. C'est exact. En 1974, témoignage de la bonne entente entre les deux capitales, Paris offre une caravelle avec son équipage et 4 techniciens de maintenance à Habyarimana, nouveau président arrivé au pouvoir en 1973 à l'issue d'un putsch. Oui, Habyarimana, un dictateur donc. Et qui donne le change en organisant des élections truquées. J'ajoute que le Rwanda et son voisin, le Burundi, connaissent régulièrement de graves crises sur fond de racisme. Oui, la rivalité entre Hutu et Tutsi. Hein. Et c'est souvent très violent. En 1975, un premier accord d'assistance militaire technique est passé entre les deux pays. Mais il ne concerne que la gendarmerie. Toutefois, 8 ans plus tard, cet accord est élargi. Les militaires français peuvent désormais être associés de près ou de loin à toute opération ou exécution d'opérations de guerre, de maintien ou rétablissement de l'ordre ou de la légalité. Et cette coopération sera encore élargie en 1992. 1992, c'est-à-dire à une date où la guerre a vraiment commencé entre l'armée rwandaise et les rebelles du FPR. Hein. Depuis 2 ans, oui. Juridiquement, un engagement militaire français devient possible. Et il est confié à l'armée une mission de formation des soldats rwandais. En même temps, il faut le souligner, après le discours de Mitterrand sur la nécessaire démocratisation des pays africains, Habyarimana a mis de l'eau dans son vin. Un adoucissement de la dictature? C'est ça. Et l'annonce d'élections libres. Mais je reviens un tout petit peu en arrière. Dès que les rebelles, essentiellement Tutsis, envahissent le nord du pays, Habyarimana appelle Paris au secours. Mmh, une réponse française, hein? C'est le début de l'opération Norrois. En principe, les compagnies de légionnaires et de parachutistes sont envoyées pour assurer l'évacuation des ressortissants français. C'est toujours ce qu'on dit, hein? Oui, mais en réalité, les soldats français donnent un coup de main aux Rwandais pour repousser les troupes rebelles. Avec succès, d'ailleurs. Alors, la France est donc en guerre au Rwanda? Ça y ressemble, oui. Les Français forment et entraînent leurs homologues rwandais. Mais aussi, et c'est le plus préoccupant, des milices civiles. Oui, qui feront partie plus tard des génocidaires. Hein. Oui, malheureusement. Il faut aussi ajouter les fournitures en matériel militaire. En mars 1991, on assiste à la création du détachement d'assistance militaire et d'instruction, le DAMI. Une structure qui a pour mission de soutenir la chaîne militaire rwandaise et de faire du renseignement. Il est composé des meilleurs éléments de l'armée française. Les forces spéciales? Toutefois, après avril 1992, on commence à parler de paix. Rebelles du FPR et représentants du gouvernement rwandais discutent à Arusha. C'est en Tanzanie, hein? Oui, et les deux parties élaborent difficilement des accords de paix, au terme desquels on aboutirait à un partage du pouvoir. Mais en sous-main, les belligérants se préparent à une reprise de la guerre civile. Il vous faut aussi savoir que le président Habyarimana n'est plus aussi tout-puissant et qu'il doit composer avec une tendance radicale Hutu, conduite d'ailleurs par un cousin de son épouse, le ministre de la Défense, Bako Sora, un homme qui qualifie les premiers accords d'Arusha de chiffon de papier et sort des négociations en lançant « Je reviens pour préparer l'apocalypse ». Sérieuse menace, là. Hein. Et c'est ce même homme qui sera considéré comme le cerveau du génocide. C'est aussi le moment où les milices Hutus extrémistes créent leur parti et la trop célèbre radio des Mille Collines. Oui, qui sera un acteur décisif du génocide. En effet. Cependant, dans le cadre des accords d'Arusha, l'ONU met en place en octobre 1993 la MINUA, une force de 2400 militaires chargée de veiller à l'application de ces accords, ce qui permet à la France de mettre fin à l'opération Norrois. Mais les militaires français alors quittent le Rwanda? Mais pas tous. Des éléments du DAMI restent sur place et bien sûr des agents de renseignement. même si tout cela demeure confidentiel. Mais officiellement, les militaires français vont revenir. Oui, bah après l'attentat contre le Falcon d'Habyarimana le 6 avril 1994 et le début des massacres des Tutsis. Trois jours après. Il s'agit de l'opération Amaryllis, déclenchée pour évacuer environ 1500 Français et Occidentaux, mais aussi des responsables du gouvernement et la famille Habyarimana. C'est donc une opération humanitaire. Et en principe, le détachement français doit adopter un comportement neutre vis-à-vis des différentes factions rwandaises. Mais est-ce que c'est vraiment possible, étant donné les liens passés entre les militaires français et rwandais? La question mérite en effet d'être posée. On observe, par exemple, que les soldats rechignent à prendre en charge les employés Tutsis de l'ambassade de France. D'autre part, certains observateurs estiment que l'autre rôle de cette opération consiste à effacer toutes les traces gênantes du rôle des Français et de leur engagement dans la guerre. Ainsi, toutes les archives de l'ambassade sont prestement brûlées. Mais officiellement, quelle est la position de la France alors que le génocide vient de débuter, hein ? Bah d'abord, il faut observer que la France tardera à agir, puisque l'opération turquoise n'interviendra que 2 mois et demi après. D'accord, mais la communauté internationale n'a pas réagi non plus. Hein. C'est vrai. Mais en raison de nos liens privilégiés avec le Rwanda, nous aurions pu intervenir plus tôt. D'autant que grâce à son service de renseignement, Paris a très vite pris la dimension exacte de la catastrophe humanitaire. Mais au-delà, il faut bien constater que l'alliance passée avec le régime Hutu a pesé lourd dans ces atermoiements. La preuve en est que très vite, les autorités françaises se sont alignées sur les thèses du pouvoir Hutu. Par exemple ? Dès le lendemain de l'attentat contre Habyarimana, l'Élysée a pointé la responsabilité présumée du FPR. Ce qu'a confirmé quelques jours plus tard l'ambassadeur de France à Kigali. Pourtant, assez rapidement, notre service de renseignement extérieur, la DGSE, a infirmé cette version. Mais avec quels arguments ? Les agents français ont affirmé que les 2 missiles tirés contre l'avion présidentiel l'avaient été depuis la bordure du camp militaire de Kanombe, une position militaire contrôlée par la garde présidentielle rwandaise. La DGSE a donc accusé les extrémistes Hutus hostiles aux accords de paix d'Arusha. Et des années plus tard, en 2011, ce sera aussi la conviction du juge Trévidic après les investigations qu'il conduira sur place. Et j'ajoute que le renseignement militaire belge aboutira à la même conclusion. Et pourtant, malgré ces informations aussitôt transmises au gouvernement français, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire rwandais sera officiellement reçu à Matignon, puis à l'Élysée, au début mai 1994. Ouais, exactement, alors comme si Paris répugnait à reconnaître qu'il avait soutenu et même encouragé un pouvoir génocidaire. Alors, après ce rappel, il est temps de voir l'envers du décor et l'action souterraine d'un homme comme Paul Baril. Le soir est triste, mon cœur est triste, ma vie est triste, y a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti avec. Le ciel s'envoile, est plein d'étoiles qui me dévoilent qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi. C'est l'une des nombreuses révélations que j'ai trouvées dans le livre de Colomba et Servenay. Dès le début de l'opération Norrois, en 1990, les soldats français reçoivent un accueil étonnant. Je cite « Cette guerre, qui ne dit pas son nom, commence par une opération d'intoxication unique en son genre. Une véritable mascarade qui va avoir des conséquences durables sur le maintien de l'engagement français, dont les hommes de l'Élysée ont marqué à plusieurs reprises leur méfiance vis-à-vis des demandes d'interventionnisme forcené du clan Habyarimana au pouvoir. Lorsqu'ils débarquent dans la capitale rwandaise, légionnaires et parachutistes français ont droit à un comité d'accueil musclé de minuit à 7 heures du matin. Des milliers de tirs résonnent entre les collines de cette ville grande comme une préfecture française. Tirs d'armes légères et tirs d'armes lourdes. Une attaque concertée du FPR, affirment les autorités. Mais, en vérité, affirment les deux auteurs, il n'en est rien. Il s'agit d'une fausse attaque destinée à légitimer l'intervention française et à permettre aussi aux autorités rwandaises de procéder à des milliers d'arrestations de prétendus suspects. Alors, Maril, un petit mot sur son parcours, peut-être ? Volontiers. C'est en 1976 que ce fils de gendarme intègre le GIGN, le groupe d'élite de la gendarmerie, qui est alors commandé par Christian Proutot. D'après ce dernier, Baril est un élément courageux et techniquement très efficace. C'est un sportif aussi. Hein ? Oui, nageur de combat, karatéka et excellent tireur. Mais c'est toujours Proutot qui parle. Il y a chez lui une part de trouble. Quoi ? Pour lui, seul le résultat compte. Et pas les moyens. Il n'empêche que Proutot en fait son adjoint. C'est vrai, donc il lui fait confiance. Mais il rapporte une curieuse anecdote. Lorsque Baril apprend que le mercenaire Bob Denard a perpétré un coup d'État aux Comores et pris le pouvoir, ça le fait rêver. Il voudrait être un autre Denard. C'est ce que croit comprendre Proutot. En 1979, son second est appelé à intervenir à la Mecque. Ah oui, l'affaire de la prise d'otage. Ouais. 50 000 pèlerins. Retenu par des fondamentalistes islamistes, Riyad a demandé l'aide de Paris, qui envoie un petit commando du GIGN et une caravelle bourrée de matériel. Pour Baril, c'est l'affaire de sa vie et le début de son ascension. Mais il faut demeurer prudent, car si effectivement le gendarme a permis aux Saoudiens de venir à bout des preneurs d'otages au prix d'un véritable bain de sang, il est certain qu'il n'a pas physiquement été impliqué. Il a pourtant soutenu le contraire. Et c'est un aspect fondamental de la personnalité du capitaine. Baril est volontiers mythomane. Mais attention, il n'est pas dupe de ses propres mensonges. Ah oui, il ment quand ça l'arrange. C'est ça. Ouais. En tout cas, cet épisode de la Mecque lui vaudra de se bâtir une flatteuse réputation auprès des monarchies du Golfe. Et un peu plus tard, il saura la faire fructifier. Ouais, quand il se mettra à son compte. Oui. En 1982, Baril rejoint Proutot à l'Élysée. Oui, c'est la fameuse cellule antiterroriste de Mitterrand. Et en 1983, c'est la désastreuse affaire des Irlandais de Vincennes. Baril est pris la main dans le sac. Car il est établi qu'il a caché des armes dans l'appartement de ces Irlandais. Conséquence, il est obligé de quitter la cellule élyséenne. Et la gendarmerie. Mais il faut noter qu'il passera à travers les mailles du filet de la justice. Ouais. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'il va travailler pour lui-même. En fait, d'après Proutot, il aurait créé une société avant même son départ de la gendarmerie. Et de quoi s'occupe-t-il ? De sécurité, mais sans doute aussi de vente d'armes, si l'on en croit quelques marchands du secteur bien connus comme George Starkman, qui l'a introduit auprès des services de sécurité espagnols. Puis à la fin des années 80, il crée Secret. Un acronyme qui signifie « Société d'études, de conception et de réalisation d'équipements techniques ». En réalité, il s'agit d'un groupement d'entreprises spécialisées dans la sécurité. Il y en a même une qui vend des gadgets. Et Baril lui-même ? Il a signé un contrat avec le Qatar et s'occupe de la protection de l'émir. Un contrat juteux. On peut l'imaginer. Ouais. Alors revenons au Rwanda. Là. Quand l'ancien capitaine du GIGN commence-t-il à s'y intéresser ? D'après ses propres déclarations devant le juge Bruguière, Baril, en 1990, est invité à s'occuper du Rwanda par François de Grossouvre, qui aurait lui-même été sollicité par le président Habyarimana. Oui, Grossouvre, c'était le conseiller de Mitterrand qui a supervisé les services secrets, au moins au début du premier septennat, mais qui a ensuite été écarté. Assez rapidement, oui. Ouais. Donc, En 1990, hein, même si son vieil ami Mitterrand ne l'a pas chassé de l'Élysée, il n'a plus aucune réelle fonction. À part l'organisation des chasses présidentielles. Ouais. Par conséquent, c'est vrai. On se demande si tout cela est sérieux. Et pourquoi Abiarimanas se serait-il adressé à lui? En tout cas, selon Baril, Grossouvre et le pouvoir rwandais le chargent d'infiltrer les structures militaires et politiques du FPR en Europe et en Afrique. Le FPR qui est, il faut le rappeler, hein, l'organisation rebelle largement constituée de Tutsis. Et Baril, alors, a-t-il effectivement tenté d'infiltrer les opposants rwandais? Il a affirmé remettre régulièrement des fiches à Grossouvre. Mais c'est invérifiable. Et même, j'ose le dire, assez peu crédible. On a au contraire l'impression que Baril se sert de sa supposée proximité avec Grossouvre comme d'une couverture quasi officielle pour ses activités africaines. Détail assez étrange. À l'époque, c'est la société de Baril qui rémunère le chauffeur de Grossouvre. Peut-être une façon comme une autre de s'attacher ce dernier? On le dirait. Et sans doute espère-t-il apprendre de l'ancien conseiller, même s'il n'est plus en cours, quelques informations sur l'Élysée. Enfin, revenons au Rwanda. Au cours de l'été 1991, Baril se lie à un certain Fabien Singhai, qui est officiellement deuxième secrétaire à l'ambassade du Rwanda en Suisse. Et officieusement? Singhai, gendre de Félicien Kabuga, l'un des premiers financiers du régime, est chargé de débusquer et d'espionner les traîtres qui se trouvent en Europe. Les traîtres, c'est-à-dire? Les Rwandais qui frayent avec les rebelles Tutsis. Et Baril, alors? Dans le répertoire des honorables correspondants de Singhai, il figure sous le nom de code Bravo. C'est donc un informateur de ce Rwandais. Et ils s'écrivent régulièrement. Mais à l'été 1994, après le génocide, l'espion diplomate est expulsé de Suisse. Il se réfugie en France. Et c'est assez extravagant. Son ami Baril le recommandera au juge Bruguière. Il sera désormais l'interprète du magistrat qui enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais. Alors que ce Singhai appartient clairement au camp Hutu. Je reviendrai sur l'enquête de Bruguière. D'autre part, Singhai est en même temps salarié de la société de Baril, ou chargé des affaires africaines. Il offre ses services à un certain nombre de chefs d'État africains. Quel genre de service? Ça va de la sécurité de ses dignitaires à la manipulation des médias locaux, en passant par la surveillance de l'opposition. Un joli personnage, hein. En 2003, Singhai est par exemple devenu le conseiller de Bozizé, le dictateur centrafricain. Et il a servi d'intermédiaire entre quelques potentats africains et un certain Patrick Balkany. Le maire de Levallois-Perret a un tropisme africain notoire. Hein. Un vrai goût pour les affaires. Mais je reviens à Baril, qui a donc effectué des missions de renseignement pour les dirigeants Hutus. C'est allé plus loin. En 1993, il a conclu un contrat de plus $1 million avec les extrémistes Hutus. Nom du contrat, insecticide. Et c'est à rapprocher du terme par lequel ces mêmes extrémistes désignent les Tutsis, Iyenzi, c'est-à-dire cafards. Oui, cafards. Et quel est l'objet de ce contrat insecticide? Il s'agit de former une unité d'élite spécialisée dans les techniques d'infiltration, ce que les militaires appellent les CRAP, commandos de recherche et d'action en profondeur. Et bien sûr, pour mener à bien cette formation, il doit recruter. Qui hein? Tout cela reste assez flou. Mais on a vu à Kigali des hommes en treillis qui auraient bien pu être ses formateurs. Des mercenaires, naturellement. J'ajoute que fin mai 1994, presque 2 mois après le début du génocide, Baril signera un autre contrat de $3 million avec le gouvernement intérimaire rwandais. Oui. Toujours un gouvernement Hutu, hein? Oui, Baril s'engage à fournir une aide sur le plan humain et matériel au Rwanda. Matériel? Vous parlez d'armes? Évidemment. Et la conclusion en mai de ce nouveau contrat est à mettre en relation avec l'entrevue du début mai 1994 entre le chef de l'état-major particulier de Mitterrand et un représentant de ce gouvernement. Mais qu'insinuez-vous là? La France, qui ne pouvait décemment pas aider ce pouvoir génocidaire, aurait confié cette tâche à Baril? C'est en tout cas ce qu'essaiera de faire croire Baril, qui prétendra toujours agir au nom de la France. Et même si le capitaine a une fâcheuse tendance à la mythomanie, pourquoi dans ce cas précis ne dirait-il pas la vérité? Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un État confierait secrètement à un mercenaire ou à un franc-tireur comme Baril le soin d'agir à sa place. Sans apparaître officiellement, Bob Denard, l'idole de Baril, a souvent joué ce rôle. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une confirmation de ces relations très étroites entre Paul Baril et le gouvernement Hutu est donnée par un ancien animateur de la radio Mille Collines, condamné par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Ce Georges Rudjou dit qu'il a été témoin de l'aide apportée aux extrémistes Hutu par des mercenaires français engagés par Paul Baril. Il a vu ces hommes à la mi-mai 94. Il précise que ces mercenaires sont allés organiser des entraînements de militaires au camp Bigowé, des entraînements CRAP. Interrogé en 2014 par Colomba, Baril nie avec force ces allégations. Pourtant, 10 ans plus tôt, dans une interview télévisée pour un documentaire de France 3, il se vante d'avoir retardé d'un mois la chute de Kigali le 4 juillet 1994 en galvanisant 25 paracommandos rwandais sur les 67 formés par la France. Entendez par lui-même. Mais Baril excelle à entretenir l'ambiguïté sur son véritable rôle. Je reviens à votre hypothèse. Si Baril est un tant soit peu missionné par Paris pour donner un coup de main aux Hutus, ça ne peut pas échapper à nos services secrets. D'autant qu'il surveille de près le capitaine, en particulier la DGSE, qui, dans une note de la mi-juin, évoque l'assistance militaire dont bénéficient les belligérants Hutus et dénonce le soutien que leur apporte Baril. Il y est clairement question de fourniture d'armes et de munitions en liaison avec la famille de l'ex-président Habyarimana. Toutefois, il y a encore plus troublant. Le capitaine, qui sait très bien qu'il a joué un rôle dangereux au Rwanda, ne va ensuite cesser de manipuler la justice, et même essayer de l'enfumer. L'enfumer afin de dégager sa responsabilité. Pas forcément, et ça commence par un point essentiel au moins pour Baril. Où se trouvait-il au début du mois d'avril 1994 C'est-à-dire lorsque l'attentat contre Habyarimana a été perpétré. Et que le génocide a immédiatement commencé. C'est d'autant plus important que, selon plusieurs sources, les serveurs des deux missiles auraient pu être des Blancs. Et on pense aux mercenaires recrutés par le capitaine? Bien sûr. Donc la question de la présence personnelle de Baril mérite d'être éclaircie. D'abord, il y a cette confidence assez ahurissante de l'un des enquêteurs qui a travaillé pour le juge Bruguière, chargé du dossier de l'attentat. On n'a pas pensé à lui demander où il se trouvait précisément le 6 avril 1994. Bizarre. Mais Baril lui-même s'est-il expliqué à ce sujet? Oui, mais il a beaucoup varié. Par exemple, dans un livre paru en 1996, il écrit qu'il se trouvait sur une colline perdue au centre de l'Afrique. Très précis, hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Au juge Trévidi, qui lui posera la question, il répond qu'entre 1990 et 1994, il a fait plusieurs brefs séjours au Rwanda, 5 ou 6 fois, dans le cadre, prétend-il, d'une tentative de médiation pacifique entre Hutu et Tutsi. Mais c'est nouveau, ça. En effet. Et il admet qu'il s'est bien rendu à Kigali après l'attentat, mais qu'il n'a pas pu accéder au lieu du crash. Mais le 6 avril, où était-il? Il affirme s'être trouvé aux États-Unis. Et pour preuve, il produit les tampons apposés sur son passeport. Cependant, problème, il s'avère que Baril possédait 2 passeports. Oui, mais ça ne démontre pas pour autant qu'il était au Rwanda. Vous avez raison. Mais des témoignages attestent de sa présence sur place avant et après l'attentat. Selon sa veuve, le pilote du Falcon, quelques jours avant l'attentat, a vu Baril sur le tarmac de l'aéroport de Kigali. D'autre part, un ex-opérateur radio de l'armée rwandaise, Richard Mugenzi, affirmera avoir aperçu Baril fin avril à Gisenyi. Il précise qu'il était accompagné de mercenaires blancs et qu'il était autorisé à entrer partout, même au centre militaire de Butotori, qui était un endroit très secret. Ben, ça prouve, s'il était besoin, que Baril entretenait les meilleures relations avec le pouvoir Hutu. Hein. Mais ça n'importe rien quant à sa présence à Kigali le jour de l'attentat. C'est exact. Alors, voyons comment il a essayé d'instrumentaliser la justice. Très vite, alors que la guerre civile n'est même pas terminée, il nie la réalité du génocide. Il établit même une comparaison douteuse avec le faux charnier de Timișoara pendant la révolution roumaine. Plus sérieusement, Baril s'acharne à démontrer que le Falcon présidentiel a été touché par des missiles tirés par les rebelles du FPR. Ouais, afin de dédouaner ses amis Hutus de l'armée rwandaise. Hein. Et du gouvernement intérimaire. Et en même temps, en focalisant l'attention sur l'attentat, il essaie de faire en sorte que l'on parle moins du génocide et aussi de la responsabilité française dans son soutien à un régime extrémiste. Ouais, Baril au secours de la France. Bon, c'est en tout cas l'impression qu'il veut donner. Pratiquement, que fait-il ? Souvenez-vous, fin juin 1994, il est sur le plateau du journal de France 2. Il prétend détenir plusieurs indices démontrant la culpabilité du FPR dans l'attentat du 6 avril. Ah oui, il brandit en direct ce qui serait la boîte noire du Falcon abattu. Hein. Et qui n'est en fait qu'un morceau de tôle contenant trois bandes magnétiques. Et il récidive le lendemain en intoxiquant un journaliste du Monde à qui il affirme détenir des bandes d'enregistrement de la tour de contrôle de Kigali. Pur mensonge. Et confusion du journaliste qui a été berné. Mais en dépit de ces mensonges éhontés, le capitaine va s'immiscer dans l'enquête judiciaire. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'il est à l'origine de cette enquête. Ah bon, pourquoi ? Ben, il a convaincu la fille du copilote du Falcon de déposer plainte à la fin août 1997, ce qui conduira le juge Bruguière à ouvrir une information judiciaire en mars 1998. Et d'après ce que vous avez dit précédemment, c'est Baril qui va procurer au magistrat l'interprète dont il a besoin pour interroger les témoins rwandais. Ce Fabien Sengay, qui est aussi l'un de ses obligés. Oui. Et qui a été l'un des espions du régime Hutu. Hein. Par conséquent, on peut légitimement penser que grâce à ce personnage, Baril se tiendra informé du déroulement de l'enquête. Ne peut-on aussi imaginer que Sengay essaiera d'influencer cette enquête ? Ah, on ne peut l'exclure. D'autant, vous le savez, que Bruguière va instruire à charge contre le FPR. Ouais, et donc dans le sens que souhaite Baril. Ce qui conduira à un grave incident diplomatique avec le Rwanda de Kagame. Quant au terme de son instruction, le magistrat prononcera plusieurs mises en examen. Une instruction qui sera très critiquée. Hein. Et d'abord parce que Bruguière ne s'est pas donné la peine d'enquêter sur place. Ensuite, à la décharge du magistrat, il faut observer que son travail a été sans cesse pollué par Baril, qui lui a promis monts et merveilles. C'est-à-dire ? Le capitaine lui a affirmé qu'il détenait d'innombrables preuves, des indices qu'il aurait recueillis sur place, des enregistreurs de vol, des bandes magnétiques, des documents, et même les lanceurs des deux missiles meurtriers, sans compter des dizaines de témoignages. Ah, peut-être, mais enfin, mon Bruguière finira bien par demander à Baril de produire ces fameuses preuves. Certes. Mais le capitaine dira alors les avoir perdus lors de ces divers déménagements. Quant aux deux tubes des lance-missiles, il les aurait remis à l'état-major des forces armées rwandaises. Puis finalement, en septembre 2003, lors d'une nouvelle déposition, il affirmera n'avoir jamais eu ces tubes en sa possession. Enfin, en 2012, auditionné par le juge Trévidic qui a repris l'instruction, Baril change de version, en avouant que les pièces en sa possession lui ont été données par Mobutu en personne. Ouais, le président zaïrois de l'époque. Hein. Et il a ajouté qu'il lui avait promis de ne pas dire que c'était lui qui les lui avait données. Tout cela est assez confondant. Et pour en finir, avec l'instruction effectuée par Bruguière, un dernier mot. Et pardon de me répéter, car je vous en ai parlé la semaine passée. Le principal témoin en charge est un certain Abdul Ruzibiza, ancien officier de l'armée rebelle, qui prétend que dès mars 1994, les siens avaient programmé l'attentat contre Habyarimana. Mais en 2008, Ruzibiza se dédie. Il a menti. Ben, il y a décidément beaucoup de menteurs dans cette affaire. Hein. Contre son faux témoignage, on lui aurait promis un permis de séjour. Et m'avez-vous dit, il est mort ? 3 mois après avoir été entendu par le juge Trévidic, il a été victime d'une maladie fulgurante. Une vraie maladie ? D'après les médecins norvégiens qui l'ont soigné, Oslo, le Rwandais, était vraiment malade du foie. Bon, je n'en sais pas plus. Mais je voudrais vous parler d'un autre mystère. En mars 2010, coup de théâtre. Le journal Le Monde révèle que la vraie boîte noire du Falcon a été retrouvée dans un placard de l'ONU. Récupérée en mai 1994 à Kigali, elle aurait été expédiée à New York via la valise diplomatique. Par des agents onusiens, donc. On peut le penser. Et les soutiens de Bruyère de mettre en cause l'inaction et même l'obstruction de l'ONU. Mais, 3 mois plus tard, ils doivent déchanter. L'objet retrouvé est bien la boîte noire d'un avion, mais pas d'un Falcon, d'un Concorde. Que fait-elle dans un placard de l'ONU ? Ben, on peut se le demander. Toutefois, autre surprise de taille. En écoutant les enregistrements contenus à l'intérieur de cette boîte, les experts découvrent qu'il s'y trouve des conversations correspondant à des travaux de maintenance effectués au sol sur un avion de type Falcon. Un appareil stationné à proximité de l'aéroport de Kigali. Ouais, c'est encore de plus en plus étrange. Et qu'en concluent ces experts là ? D'après eux, une personne a bien récupéré un véritable enregistrement du Falcon présidentiel pour l'introduire dans une boîte noire de Concorde. Quelqu'un qui était forcément présent au Rwanda au printemps 1994. Ouais, mais qui et pourquoi ? Mystère. Mais bien sûr, puisqu'on ne prête qu'aux riches, on peut regarder en direction de Baril, sans aucune preuve. J'ai déjà été long, mais pour être tout à fait exhaustif, il faudrait aussi que j'évoque une autre affaire. Le violent conflit qui a opposé Baril à un marchand d'armes, Dominique Lemonnier. Un concurrent ? Baril l'a considéré comme tel, car ce Lemonnier aussi était en affaire avec le gouvernement rwandais. Pour des ventes d'armes, donc ? Oui. Il avait même été demandé à Lemonnier la fourniture de 2 missiles anti-aériens. Mais il a décliné. Mais 2 missiles que d'autres ont fournis au Rwandais. En tout cas, Baril a tout fait pour éliminer Lemonnier du marché rwandais. Mais ce marchand d'armes ne pourra jamais révéler ce que cachait vraiment cette hostilité. Il est brusquement décédé en 1997 alors qu'il sortait de table. Une crise cardiaque ? Selon ses proches, peut-être un empoisonnement. L'ouvrage très complet de Benoît Colomba et David Servenay, « Au nom de la France, guerre secrète au Rwanda », vient de paraître à la Découverte. À samedi prochain, mais aujourd'hui, avec beaucoup d'autres écrivains, je fête le printemps du livre à Montaigu. Vous pourrez m'y retrouver tout au long du week-end. Rebecca Donnant a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Joub. Et tout de suite après le flash, CO2 Mon amour de Denis Chessou.